L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le reportage qui va suivre contient un fil rouge narratif de pure fiction. Les interviews réalisées sont à remettre dans le contexte du Salon du Polar et ont eu lieu à Arayéhan du vendredi 24 au dimanche 26 novembre. L'enquête est fictionnelle, dans le but de vous divertir uniquement. Aucun animal n'a été réellement blessé durant ce reportage. Oh, dégage le chat là. Je fais du montage, dégage. Et oui, tu vas faire quoi? Rien. Enquête numéro 181 513 114, Seille de Crime organise son Salon du Polar et ça pique. Dimanche 26 novembre, Radio Fadjet m'envoie à Arayéhan, en Meurthe-et-Moselle, infiltrer le Salon du Polar organisé par l'association Seille de Crime. Les accusations sont lourdes. Le cercle des auteurs de romans policiers, groupuscule de fanatiques du polar, déjà responsable d'avoir rendu accro aux romans policiers des centaines de milliers d'innocents, si ce n'est plus, est attendu pour une opération à grande échelle. Je m'infiltre, sous couverture, et retrouve Isabelle, présidente de l'association et organisatrice de l'événement. Il est près de 13h et le tableau semble déjà très sombre. Je suis très très heureuse. Il y a du monde. Bon, là, c'est un peu la pause, mais voilà, il y a eu beaucoup de monde ce matin. Ouais. On attend encore plus de monde l'après-midi. Voilà, ça plaît à tout le monde. L'ambiance, les auteurs, ils ont beaucoup plus le temps de discuter. Voilà, l'ambiance à Satimis. On s'est fait un petit nom dans le monde du polar. Mmh. Et du coup, il y a des gens qui viennent d'assez loin, Grenoble, Paris, pour venir au salon. Autour de moi, je me sens observée. De Franck Tillier à Isabelle Horry, en passant par Cicéron Angle Droit, les auteurs de Polar m'observent. M'ont-ils percé à jour? Je m'approche d'eux et tente de connaître leur motivation à participer à ce salon. C'est alors que Franck Tillier, l'invité d'honneur de cet événement, se résout à répondre à ma question. Franck Tillier, Salon du Polar, Seille de Crime pour Fadjet. Bon, aujourd'hui, c'est le Salon du Polar. En quoi c'est important pour vous, ce type d'événement? Ah bah c'est important parce qu'on aime aller à la rencontre des lecteurs. L'écriture est quand même un travail très solitaire et nous, on a envie aussi de... Quand on écrit nos livres, de partager ces histoires qu'on écrit et voilà, de partager avec les lecteurs ce moment un peu de rencontre. Et c'est important aussi pour nous tous que la culture se propage dans toute la, voilà, dans toute la France. Pas forcément dans, c'est pas la, elle n'est pas réservée aux grandes villes. Elle appartient à tous et donc d'aller un peu dans, voilà, dans les plus petites villes, dans les petits villages, c'est... On amène la culture et puis on voit que les gens sont très répondants puisqu'ils sont... là, il y a énormément de monde, donc les gens attendent ça, quoi. Et donc, nous, c'est un peu... vous savez, dans le polar, on est un peu militants et engagés, mais chacun de notre façon. Et donc, c'est un peu un acte d'engagement d'aller voilà, à la rencontre des gens et de répandre un peu la culture, quoi. C'est pire que ce que je croyais. Ils sont diaboliques. Je décide de me mettre à l'écart afin de prendre du recul sur l'affaire lorsque je tombe sur un cadavre. Une véritable scène de crime. Un salon complètement désordonné, un corps au sol, une arme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je tremble et je sue de tout mon corps lorsque je croise un gendarme vers lequel je cours afin d'avoir une explication. Major Thomas de la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie pour le Salon du Polar, Seille de Crime. Alors, pouvez-vous m'expliquer la raison de votre présence ici? Alors nous avons répondu à l'invitation des représentants de l'association Seille de Crime. Nous y avons répondu favorablement et avec grand plaisir pour organiser une présentation de scènes de crime et du travail de la gendarmerie dans le cadre de la police technique et scientifique. C'est un faux cadavre, mais pourquoi faire ça? Oui, en fait, il y a une différence entre la fiction et la réalité du terrain telle que je la connais. La fiction, c'est normal. Ils sont limités dans le temps. Hein. Une série comme NCIS, Les Experts, ça va durer une heure. Donc en une heure, ils font le travail qu'on met parfois plusieurs mois à réaliser. Je fuis, paniqué. Nos gradés font partie de la mise en scène. Je croise alors l'attachée de presse de la SNCF en Lorraine, Sophie Hureau, et lui demande de l'aide. Le polar pour la SNCF est important. Le prix du polar qui est remis tous les ans. Et nous sommes là dans ce titre-là aujourd'hui à Seille de Crime. Nous souhaitions bien évidemment participer à cette journée en faisant diverses animations comme la possibilité pour le public de se déguiser sur le thème du polar. Oui, le choix, nous avons différents déguisement, le prisonnier, le policier, enfin toute une série de déguisements est offert. Et nous offrons également ce soir au tirage au sort à 17h un aller-retour pour aller à Paris pour deux personnes en première classe. Oh. Donc nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui ici pour cette belle journée du livre et du polar. Sans déconner, la SNCF est de mèche également dans cette affaire. L'expansion du polar ne s'arrêtera donc telle jamais ? Ils contrôlent les moyens de transport, ils contrôlent l'armée, bientôt ils contrôleront quoi ? La patrie, la nation, le drapeau ? Il faut que cela s'arrête ! Je retourne dans la salle principale, tenter de sauver les otages. Que pensez-vous du salon ? C'est très sympa, j'aime bien les petits salons en général, parce qu'on peut mieux approcher les gens, et puis les organisateurs sont des mordus, ils adorent ça, et ils sont contents qu'on vienne, alors ils sont super sympas. Vous avez pu rencontrer des auteurs que vous connaissiez et que vous affectionnez particulièrement ? Oui, notamment j'ai pu revoir Nicolas Lebel et Jacques Sausset, que je connais déjà bien, Fabrice Pichon... Et bon, bien sûr, Frontillet, je le connais aussi. Il y en a quelques autres que je connais comme ça, mais moins bien. Mais surtout Nicolas, Jacques Sausset et Fabrice Pichon. Eh bien, c'est génial. Une belle tête d'affiche avec Frontillet, qui est très abordable, qui est vraiment quelqu'un de très, très gentil. On découvre des auteurs, Olivier Norek. Là, je viens d'aller voir Nico Tachian. Des gens très très simples, très abordables, génial. Vraiment, pour un petit village comme ici, c'est inespéré. Je trouve que c'est une super chose, surtout le lieu en fait, qui est assez atypique, en pleine campagne en fait, donc c'est super. Ah, je suis arrivé trop tard. Bouquin à la main, visage ravi, il est trop tard. La présidente et organisatrice de l'événement, Isabelle, s'approche de moi. Je me mets à genoux, je la supplie de mettre fin à cette folie. Alors oui, j'ai déjà 7 auteurs pour 2019, mais je dirai rien sur les noms, ah, même sous la torture. Dommage. Mais oui, j'ai reçu pour 2019, voilà, on va s'y prendre tôt pour trouver les subventions parce que ça, c'est galère, faut le dire. On a galéré pour 2017, là on va recommencer. Mais on re-signe parce que moi, ça marche et j'ai envie de continuer l'aventure. 2019, un nouveau salon, 7 auteurs. La pression est trop forte. Je suis désolé, je dois quitter cet endroit. En l'an de grâce 2019, un homme ayant échoué dans sa mission se retrouve seul à écrire à son fiston dans un cabanon avec la pluie qui tape. Tu n'as jamais connu ton père, tu ne m'as jamais connu. Je voulais que de moi tu sois fier, mais je ne suis qu'un inconnu. Eh, alors écoute-moi bien. Cette histoire est pour toi. Laisse-moi te raconter l'histoire du salon du polar. 2 ans plus tôt, à l'origine de mon départ, ils m'ont eu fils avec leur roman policier. J'ai décidé de fuir, j'aurais pu y rester. La prophétie indique que cela va recommencer. Je compte sur toi, fils, pour terminer ce que j'ai commencé. Tu n'as que 2 ans, mais tu es déjà grand. Ça n'a aucun sens, mais ça en devient marrant. Salon du polar, Seuil de crime, rendez-vous en 2019. Merci de nous avoir suivis sur Radio Fadjet 94.2 à Nancy, fadjet.net. C'était le lieutenant Pierre Mercial pour Radio Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.